Souvent considérés comme les plus beaux insectes, les lépidoptères, autrement nommés papillons, fascinent par leur gracilité, mais aussi par leur couleur, leur capacité de métamorphose et leur diversité. Il a fallu des centaines de millions d'années d'évolution pour que ces papillons s'adaptent, parfois en des temps records, à leur source de nourriture, à leur environnement, mais aussi à leurs prédateurs, grâce entre autres à des ruses de camouflage ou de mimétisme particulièrement sophistiquées. Malgré cette plasticité, les menaces qui planent sur leurs ailes fragiles sont de plus en plus nombreuses, étant à accélérer la chute du nombre d'individus, voire la disparition de certaines espèces de papillons. Lumière sur les papillons, c'est le programme Attire d'ailes qui sera le nôtre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nous parler tout au long de cette heure des papillons, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Violaine Llorens. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche CNRS, biologiste de l'évolution à l'Institut de systématique, évolution et biodiversité. Nous sommes également en compagnie de Mathieu Joron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes biologiste de l'évolution, chercheur CNRS au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de l'Université de Montpellier. Mais avant de prendre notre envol, il est l'heure de retrouver, comme chaque jour, celle qui plane avec la grâce d'un papillon au-dessus de l'actualité scientifique pour en retirer le meilleur nectar. Il s'agit de Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Antoine. Et on commence ce journal avec deux études parues dans la revue The Lancet Infectious Diseases. La meilleure immunité contre le Covid-19 est l'immunité hybride. Oui, la première est brésilienne, la seconde est suédoise. Et c'est ce qu'on appelle des études de cohorte rétrospectives. Les chercheurs ont regardé les données de santé d'un très grand nombre de personnes. Plus de 200 000 pour le Brésil et plus de 2 millions pour la Suède. L'objectif était d'estimer la fréquence des réinfections au SARS-CoV-2 si on a été infecté, immunisé naturellement, puis vacciné, ou si on a seulement été vacciné. Alors dans ces deux travaux, ce qu'on observe avec l'immunité naturelle, c'est une protection importante contre les réinfections, avec une diminution des risques de 87%, et ce jusqu'à 20 mois après l'infection initiale, et avec un impact aussi important sur les hospitalisations. Mais le tiercé gagnant, en termes d'immunité, c'est ce qu'on appelle l'immunité hybride, c'est une infection, et ensuite deux doses de vaccin. Jean-Daniel Lelièvre est médecin spécialiste de la vaccination et expert pour la Haute Autorité de Santé et pour l'OMS. Alors, l'immunité hybride, c'est une immunité qui est un terme qui est de plus en plus utilisé, qui est l'association d'une infection et ensuite d'une vaccination. Donc, ce qui est montré ici, c'est que cette durée en fait, de protection conférée par l'infection est plus longue que la durée conférée par la vaccination, et que faire une dose de vaccin après une infection permet une bonne protection, et a fortiori quand vous en faites deux. On voit que le nombre d'infections au final est très très peu importante. On va avoir une protection qui est majeure lorsque l'on a été infecté et ensuite on a été vacciné avec une dose, avec une diminution du risque qui est aux alentours de 90% lorsque l'on se met à distance de l'infection initiale. Mais les données récentes de la littérature publiées dans d'autres papiers montrent que l'infection après vaccination a aussi un effet booster et permet d'obtenir une protection contre la réinfection. Cette étude, avec d'autres études, montre le poids important dans l'induction d'une immunité, d'une infection. Et ceci est très important au moment où on réfléchit à la répétition des doses de vaccins et aussi aux meilleures politiques vaccinales dans des pays qui n'ont pas encore commencé ou qui ont une couverture vaccinale qui est relativement faible. Et là où il faut vraiment prendre en considération ces infections, et notamment par le biais de séroprévalence, et c'est l'objet de discussions qui sont à l'heure actuelle importantes et qui notamment vont être discutées en fin de semaine dans le cadre de l'OMS. La limite de cette étude, c'est qu'elle s'arrête le 4 octobre 2021 et que, évidemment, il y a des réflexions de savoir est-ce que toutes les infections sont aussi immunisantes les unes que les autres. Il est probable que toute infection a un impact. Mais pour l'instant, c'est difficile de savoir si la protection induite, par exemple, par l'infection par le virus Omicron est la même que celle avec des virus comme le Delta. Il y a des données qui sont en cours d'analyse, donc je pense qu'on aura l'occasion de rediscuter de ce type de problématiques dans le futur. Et comme chaque jour, vous pouvez retrouver cette étude et les suivantes sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. Hier, selon l'agence de presse nationale chinoise Xinhua, un sous-variant d'Omicron aurait été identifié en Chine. Oui, la Chine qui vient de durcir ses mesures anti-Covid et qui confine les 25 millions d'habitants de Shanghai, la ville la plus peuplée du pays. Hier, le pays a enregistré un nouveau record de contamination avec plus de 13 000 cas positifs en une seule journée. Les autorités chinoises ont annoncé hier la découverte d'une mutation du variant Omicron qui n'avait encore jamais été répertorié. C'est ce qui ressort des données de séquençage d'un cas isolé de la ville de Shuzhou, à 70 km de la ville de Shanghai. Pour l'heure, nous avons peu d'informations à propos de ce sous-variant. En bref, toujours, selon une prépublication parue dans Archive, nous aurions peut-être découvert l'exoplanète la plus lointaine à ce jour. Oui, grâce au télescope spatial Kepler qui a joué un rôle majeur dans la chasse aux exoplanètes en identifiant près de 3000. Grâce à Kepler, nous aurions peut-être découvert une exoplanète à 17 000 années-lumière de la Terre. Une planète qui ressemble curieusement à notre Jupiter à nous. Elle a à peu près la même masse, elle fait 1,1 fois la masse de Jupiter et elle orbite autour de son Soleil à peu près la même distance, à 4,4 unités astronomiques, contre 5,2 unités astronomiques pour notre Jupiter de notre système solaire. Cette exoplanète jumelle très très lointaine a été repérée grâce à un phénomène de micro-lentille gravitationnelle qui permet de créer comme un effet de loupe sur l'univers lointain. Et enfin, selon une étude parue dans la revue Functional Ecology, le réchauffement climatique tue les papillons. Oui, et pas seulement à cause des printemps plus chauds. Une équipe européenne a mené une expérience en laboratoire avec 450 chrysalides de pyrite du navet, une espèce de papillon qui entre en diapause à l'automne afin d'affronter l'hiver. Les chercheurs ont simulé des conditions automnales à 15, 20 ou 25 degrés pendant 16 semaines, puis des conditions hivernales à 2 degrés pendant 24 semaines. Il se trouve que plus les températures sont élevées à l'automne, plus le taux de survie est faible. Les mesures métaboliques ont montré qu'avec la hausse des températures, les papillons consomment plus d'énergie et perdent plus de poids, au point de ne pas pouvoir émerger au printemps. Selon les auteurs, d'autres espèces doivent être touchées par ce phénomène. Merci beaucoup Natacha. De papillons, il va être question dans un instant. On vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences, dans lequel nous reviendrons plus amplement sur la parution du troisième volet du rapport du GIEC. Troisième volet qui paraît, je le rappelle, aujourd'hui à 17h. Qu'est-ce qui est beau, gracieux et coloré? Qu'est-ce qui a une trompe, des écailles, parfois un duvet et se métamorphose? Qu'est-ce qui, dans certains cas, peut parcourir des milliers de kilomètres malgré un poids-plume soumis au courant d'air? On vous parle aujourd'hui des papillons avec nos invités Violaine Jorens et Mathieu Joron. Mais avant de nous lancer dans la description de l'évolution et des capacités étonnantes des lépidoptères, je vous propose d'écouter une archive de 1961 tirée de l'émission L'heure de la culture française. Certains papillons, comme les satyres, sont attirés par le suc qui coule des plaies des arbres. D'autres, comme le Caraxès jasius du Midi, préfèrent les excréments. D'autres encore, la sueur des animaux. L'entomologiste Sharp raconte à ce propos. « Je faisais l'ascension des hauteurs du Jura. Devant moi, la charrette d'un paysan dont les chevaux peinaient. Le conducteur pestait, car les bêtes manifestaient une agitation subite. Un essaim de grands sylvains s'était jeté sur les chevaux et pompait leur sueur. Le régime alimentaire des papillons adultes peut devenir encore plus extraordinaire. On signale le cas de quelques noctuelles d'Afrique qui se posent sur les yeux des buffles. Elles y sucent la sécrétion qui lubrifie la cornée, et même elles aspirent du sang dont on a retrouvé la trace dans leur tube digestif. 1961, on constate dans cette archive Violaine Jorens qu'il y a déjà une grande diversité dans la capacité des papillons à se nourrir qui témoigne de l'immense diversité de ce groupe d'insectes. Alors, c'est mission impossible de parler des papillons en une heure, on va pourtant s'y atteler ensemble. Est-ce que vous pourriez, pour commencer, peut-être nous rappeler combien d'espèces de papillons ont été recensées à ce jour? Et voilà, un petit peu cette diversité première. Alors, on peut décrire deux grands groupes de papillons, donc ce qu'on va appeler en français les papillons de nuit, qui ne volent pas tous la nuit. Donc là, c'est la grande majorité des espèces, hein, donc c'est autour de 150-180 000. Espèces décrites, alors que les espèces de papillons de jour, que les gens connaissent peut-être mieux, c'est autour de 18 000 espèces. Donc en fait, finalement, la diversité des papillons qu'on voit le jour et que la partie émergée de l'iceberg. Et ça, c'est une première chose contre-intuitive. Quand on pense papillons, on pense à ces jolis papillons colorés qui peuplent les jardins, mais ils sont infiniment minoritaires. Mathieu Joron, 180 000 espèces rien que pour les papillons nocturnes. Si on compte les papillons diurnes, voilà, on passe les 200 000, j'imagine. Comment est-ce qu'on peut classifier un groupe d'insectes aussi étendu? Est-ce que ça, c'est déjà un premier casse-tête quand on parle des papillons? Oui, bien sûr. Les papillons sont, enfin, la diversité des papillons est organisée. Elle est pas, c'est pas une grande explosion, même si on peut parfois parler d'explosion en termes de diversification. Donc, ils sont classifiés dans des familles. Et puis d'autres niveaux hiérarchiques comme ça qui regroupent ensemble des papillons qu'on dirait plus apparentés entre eux, évolutivement parlant, et d'autres qui sont plus éloignés. Et alors les papillons de jour, en quelque sorte, c'est une branche, c'est un peu comme une branche de papillons de nuit qui aurait réussi à trouver, entre guillemets, une façon de voler de jour et de survivre de jour. Violaine Durens, on va parler pas mal d'évolution au cours de cette émission et d'évolution des papillons. Si on doit comprendre un petit peu la genèse, si on explique un petit peu l'apparition des papillons, à quand ça remonte, est-ce qu'on a des fossiles qui sont exploitables de papillons qui nous permettent de dire à cette époque-là, il n'y avait pas de papillons, à partir de ce moment-là, il y a eu des papillons? Alors, le premier fossile du premier ancêtre des papillons, il date d'environ 200 millions d'années. Donc ça fait longtemps qu'il y a des lignées de papillons sur la Terre qui se sont diversifiées. Alors il y a effectivement ces modes de vie diurnes, nocturnes, et il y a aussi le lien avec leurs plantes hôtes. Donc on parlait tout à l'heure de la nutrition à l'âge adulte, mais ce qui va être important aussi, c'est la nutrition des chenilles. Et donc il va y avoir divers degrés de spécialisation des chenilles sur leurs plantes hôtes. Il y a des chenilles qui peuvent manger tout type de plantes, et puis certaines qui sont très spécialisées sur certaines espèces de plantes. Et donc la diversification des papillons, elle est quelque part aussi reliée avec la diversification des espèces de plantes. On va en parler bien sûr de cette explosion de la diversification des papillons, mais ce qui est intéressant, c'est que en fonction des dates que vous me donnez, si ma mémoire est bonne, les plantes à fleurs apparaissent après cette date de 200 millions d'années des premiers fossiles de papillons. Alors comment est-ce qu'on explique que les papillons aient pu avoir une existence hors nectar, hors plantes à fleurs? Alors, il y avait d'autres types de plantes. Il y avait effectivement pas forcément les angiospermes tels qu'on les connaît aujourd'hui, enfin les plantes à fleurs telles qu'on les connaît aujourd'hui, mais il y avait d'autres types de plantes déjà qui pouvaient avoir un certain nombre d'exudats, de sève, etc., qui pouvaient servir aussi comme base nutritive des premières espèces de lépidoptères. Et ensuite, c'est vrai que sur les papillons de jour, on sait que il y a eu une grosse diversification de ces espèces après la diversification des plantes à fleurs. C'est-à-dire que les plantes à fleurs, quand elles se sont multipliés, ont permis une multiplication, une grande diversification. C'est-à-dire qu'il y a une spécialisation des différentes espèces de papillons sur différents types de plantes, et ça promeut en fait la divergence de population de papillons et l'émergence de nouvelles espèces. Mathieu Joron, on évoquait tout à l'heure le fait qu'il y avait largement plus de papillons nocturnes que de papillons diurnes. Est-ce que dans l'évolution, les premiers papillons ont donc été nocturnes? Est-ce que c'est une conclusion naturelle à laquelle on peut arriver, ou bien est-ce que c'est débattu? A priori, l'essentiel des papillons, les premiers papillons devaient être nocturnes ou peut-être crépusculaires. Leur groupe le plus proche, c'est les frigans, qui sont des petits insectes quand même essentiellement nocturnes qui vivent près de l'eau. Et probablement que l'essentiel des lignées ancestrales, les plus anciennes donc de papillons, étaient des petits papillons qui devaient ressembler morphologiquement, pour le commun des mortels, à des mites. Donc des petits... Ce qu'on appelle les micro-lépidoptères, si je ne me trompe pas. Voilà. Ouais. Et ensuite seulement sont apparus la branche de ce qu'on appelle les macro-lépidoptères, qui inclut l'essentiel des papillons de jour et de nuit qu'on connaît actuellement. Violaine Durens, vous parliez de l'influence qu'ont eu les plantes à fleurs sur les papillons. Je crois même que l'évolution des plantes toxiques ont fait, a fait évoluer les papillons et les ont rendus finalement eux-mêmes toxiques. Et je crois qu'il y a, il y a certaines espèces comme ça qui, se nourrissant de plantes toxiques, deviennent eux-mêmes toxiques pour leurs prédateurs. Oui, alors avec Mathieu, on a beaucoup travaillé sur des espèces de papillons, effectivement, qui présentent des toxines et dont la toxicité est reliée à l'alimentation des chenilles sur des plantes qui, elles-mêmes, ont des composés toxiques, cyanogènes, par exemple. Et donc, on a conservation de ces toxines jusqu'à l'âge adulte. Et c'est généralement associé à des couleurs qui vont être très vives, donc des rouges, des jaunes, très contrastés sur des fonds noirs ou plus bruns. Et donc, il peut y avoir une coévolution, en fait, de à la fois la capacité de séquestration des toxines à partir des plantes et l'évolution de motifs de coloration très vive avec un apprentissage par les prédateurs de l'association entre la couleur qui agit comme un signal et puis le goût désagréable ou la toxine présente chez la proie qui est le papillon. Puisque vous en parlez de ces couleurs, on va y venir dans un instant. On va parler, bien sûr, de la morphologie des papillons. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et non, aujourd'hui c'est Antoine Beauchamp, c'est raté, c'est la loterie. On parle aujourd'hui de papillons. Alors on va évoquer, bien sûr, on va faire un petit cours de biologie, qu'on va retourner au collège. Mathieu Joron, quels sont les points communs morphologiques à tous les papillons, si on doit décrire ces points communs? Et après on va rentrer un petit peu dans le détail. 180 000 espèces, je rappelle, mais il y a quand même quelques traits significativement communs. Alors, il y a beaucoup de traits communs qu'on ne trouve que chez les papillons ou essentiellement chez les papillons. Après, il faut savoir qu'il y a aussi des lignées, comme je disais, ancestrales, basales, qui n'ont pas forcément tous les caractères. Donc, comme la trompe, par exemple. Donc, les premières lignées de papillons n'ont pas de trompe, mais la trompe est arrivée relativement assez rapidement dans la branche lépidoptère. Et donc, c'est vraiment une innovation morphologique qui est assez singulière, qui permet aux insectes de se nourrir de substrats liquides et de l'aspirer, comme avec une paille. On peut la décrire peut-être, cette trompe. C'est, chez tous les papillons, c'est une trompe qui s'enroule et qui peut se dérouler pour aller pomper du nectar dans les plantes à fleurs. Oui, je crois qu'évolutivement, très vite, la trompe, dès qu'elle s'allonge, elle s'enroule. Mm-hmm. En fait, voilà. Yolaine Jurens, vous confirmez que l'apparition de la trompe est relativement tardive, enfin en tout cas n'est pas immédiate, et que pour le coup, avec l'apparition des plantes à fleurs, ça se confirme et ça s'ancre. Oui, et puis il y a des cas de spécialisation justement aussi. Donc là, je vous parlais sur les chenilles, mais il y a aussi sur les adultes. Mmh. Il y a des exemples de papillons de nuit dont la longueur de la trompe est relativement similaire avec la longueur de la fleur sur lesquelles ils vont se nourrir. Donc on a des cas de potentielle coévolution ou en tout cas où l'évolution de la longueur de la trompe n'est pas indépendante de la spécialisation sur les plantes desquelles ces papillons se nourrissent. Mathieu Joron, si on revient à cette description globale, le corps du papillon globalement, en dehors de la trompe, à quoi il ressemble, combien d'ailes, quel type d'abdomen, voilà, expliquez-nous un peu tout ça. Les papillons sont des insectes, donc ils ont un corps en trois parties, avec une tête, un thorax qui porte les ailes, donc deux paires d'ailes, et puis un abdomen qui ne porte pas d'appendice. Les pattes sortent du thorax. Ouais. Voilà, le papillon a aussi des antennes qui lui permettent de sentir et s'orienter également. On verra peut-être ça bien avec la migration tout à l'heure. Et Le corps des papillons et ses ailes sont recouverts d'écailles et qui sont une des innovations principales qui caractérisent les lépidoptères. Et d'ailleurs, lépido veut dire donc écaille en grec, c'est la racine qui veut dire écaille. Carl von Linné, le grand naturaliste qui a attribué ce terme de lépidoptère aux papillons. Je vous laisse continuer, pardon. Et une autre innovation importante des lépidoptères qu'on oublie souvent, c'est la soie chez les chenilles. Mais justement, ces écailles, elles sont composées de soie. Ou pas du tout. Moi, j'ai lu que c'était des soies tégumentaires. Alors, et que ces soies tégumentaires, on les retrouvait parfois chez certains arthropodes. Quand on parle d'arthropodes, on pense aux mille pattes, aux scorpions, par exemple. Alors, je crois que là, il y a une confusion sur le terme soie, qui veut dire aussi dans le langage commun des poils. Effectivement, les écailles des papillons sont homologues de certains poils. Sur le corps d'autres insectes. Par contre, ça n'a rien à voir avec la soie produite et sécrétée par les chenilles, qui est un liquide qui durcit à l'air libre et qui devient un fil très résistant. J'ai fait un raccourci beaucoup trop rapide parce que je pensais évidemment à la soie du cocon et je me disais, bah oui, bah du coup c'est ingéré, puis après c'est transformé. Bon, c'est pas du tout ça, je me suis planté. Violaine Llorens, si on revient sur ces écailles, elles permettent une infinie variété de motifs. Alors expliquez-nous un petit peu le rôle de ces motifs-là, de ces couleurs bigarrées des papillons. Donc en fait, oui, les ailes sont recouvertes d'écailles qui peuvent avoir des couleurs différentes, mais aussi des structures différentes. Et certaines structures peuvent participer d'ailleurs à l'effet visuel. Et donc effectivement, la juxtaposition d'écailles qui peuvent avoir différentes couleurs peut former un motif à la manière un peu des tuiles d'un toit, par exemple. Et donc on a une grande diversité de ces motifs. Alors ça, beaucoup de gens ont pu le constater même en se promenant dans la nature ou en regardant les papillons dans leur jardin. Alors, ces motifs, il y a une grande diversité. Il y en a certains dont on peut deviner qu'ils vont avoir un effet de camouflage, par exemple, parce qu'ils vont ressembler très fortement au substrat sur lequel les papillons vont se poser. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, on a certains motifs beaucoup plus vifs qui peuvent avoir un rôle dans la signalisation de certains toxines, pardon. Mm-hmm. Et puis, une dernière chose, notamment chez les papillons de jour, il y a une attraction, notamment des mâles vis-à-vis des femelles, qui est liée au motif de coloration. Donc, il peut y avoir de l'attraction des partenaires sexuels et même de la sélection sexuelle, avec des préférences, cette fois des femelles, vers des mâles plus ou moins coloré. Donc plusieurs fonctions, on parle donc de camouflage, de communication, d'une certaine façon, communication dans le cadre de la parade nuptiale, mais il y a aussi une fonction thermorégulatrice, Mathieu Geron. Je crois même que certaines ailes, ou Violaine Llorens, je crois même que en fonction du motif, la chaleur n'est pas du tout répartie de la même façon sur l'aile, il y a en tout cas un rôle lié à la température. Oui, alors ça, c'est assez classique chez les animaux en général. Les couleurs sombres de pelage, de plumage, mais aussi donc d'écailles chez les papillons, ont tendance à absorber plus facilement la lumière. Et on sait par ailleurs que les papillons utilisent leurs ailes un peu... on pourrait dire comme des panneaux solaires, c'est un peu un raccourci abusif, mais en tout cas, ça leur permet de se chauffer au soleil de manière plus efficace en fonction de la position qu'ont leurs ailes par rapport au soleil. Donc on voit souvent des papillons se positionner, même parfois se coucher presque sur le côté pour probablement d'une façon qui conduit mieux la chaleur sur le corps et leur permet d'être plus actifs ou actifs plus facilement. Et par ailleurs, on sait que beaucoup de papillons en altitude dans les zones plus froides ou plus hautes latitudes ont tendance à montrer un mélanisme, notamment sur les écailles qui sont proches du corps. Et ça pourrait être en lien avec la thermorégulation. Donc. C'est-à-dire qu'ils sont plus sombres pour davantage absorber les rayons lumineux. Alors, leur couleur sombre leur permet d'être actif peut-être à des températures plus faibles et donc de monter en température plus rapidement pour voler. Violaine Llorens, j'ai vu qu'il y avait certains papillons qui avaient une couleur initiale et qui ont eu une capacité d'adaptation extrêmement rapide. Alors, il y a le cas un petit peu canonique de la phalène du bouleau en Angleterre au 19e siècle. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu cette histoire que moi j'ai découverte en préparant l'émission et qui est assez emblématique de cette capacité d'adaptation extrêmement rapide qu'ont certaines espèces de papillons? Alors, c'est un exemple qui est très connu des lépidoptéristes, mais des gens qui font de la biologie et de l'évolution en général. Donc, il se trouve qu'effectivement, chez ce papillon qui s'appelle la phalène du bouleau, on a une coloration ancestrale qui est plutôt blanche avec des petites taches noires, un peu marbrées. Il y a de la variation dans le degré de marbrure, la quantité de blanc et noir. Et au cours de la révolution industrielle en Angleterre, on a vu une augmentation de la fréquence des papillons qui avaient une coloration noire, complètement noire. Donc là, on n'a plus du tout ces marbrures. Et il faut savoir que ces phalènes du bouleau ont tendance à se reposer sur les troncs des bouleaux, donc qui ont cette couleur blanche et noire. Et donc cette forme ancestrale, ce motif ancestral, probablement augmenté leur cryptisme et limité la capacité des oiseaux à les repérer. Mais au cours de la révolution industrielle, un grand nombre de troncs de bouleaux sont devenus noirs du fait de l'industrie du charbon. Et dans ce nouvel environnement, les individus qui présentaient une coloration mélanique très foncée ont eu un avantage très important parce qu'ils étaient beaucoup moins bien repérés par leurs prédateurs. Alors, étant donné que le motif de coloration, c'est un caractère qui est héritable, c'est-à-dire qui est transmis de parents à enfants, eh bien, s'il y a un avantage à être noir et qu'il est transmis, très rapidement, si la sélection est forte, et c'est probablement le cas de la prédation sur ces phalènes du bouleau, eh bien, on a une évolution très rapide de la fréquence du motif noir qui est avantagée par rapport au motif ancestral marbré. Mathieu Geron, d'un point de vue génétique, comment ça s'explique, ça ? Est-ce qu'on a pu déterminer quel gène avait peut en tout cas provoquer cette faculté d'adaptation et de caméléonisme, on va dire, un petit peu des papillons? Alors, étant donné la diversité des motifs et des couleurs chez les papillons, c'est trouver les gènes qui déterminent cette diversité et qui jouent un rôle dans la mise en place de ces motifs. C'est quelque chose que beaucoup de chercheurs qui intéresse beaucoup de chercheurs, et en particulier sur la phalène du bouleau, ils ont trouvé, donc une équipe de Grande-Bretagne à Liverpool, en plein centre de la zone de révolution industrielle, oui, où justement le mélanisme industriel a été aussi marqué, ils ont trouvé le gène qui contrôle le passage au morphotype noir. Et donc ce morphotype noir, on l'appelle Carbonaria, et le gène qu'ils ont trouvé s'appelle Cortex, et c'est pas du tout un gène qu'on aurait pu identifier a priori comme ayant un rôle dans la coloration des ailes, mais a priori donc c'est effectivement une mutation, une grosse mutation dans ce gène là qui le rend probablement, enfin qui modifie son fonctionnement et cause la couleur noire ou le développement de couleur, enfin de la voie pigmentaire de la mélanine dans les écailles qui couvrent les ailes de ce papillon. Ce gène Cortex, il a été identifié donc en 2016 dans une étude parue dans Nature chez la phalène du bouleau, et je crois que ça a été confirmé dans une autre étude dans Nature toujours la même année chez une autre espèce de papillon, les Heliconius. Violaine Lurens, tout à l'heure vous parliez de la transmissibilité de ces caractères, on en vient à une des questions quand on pense aux papillons, on pense à la capacité de se métamorphoser de ces insectes. Alors avant de parler cocon, chrysalide, métamorphose, est-ce que vous pourriez nous décrire le cycle global de reproduction des papillons ? Alors on peut commencer par exemple par la femelle qui va, donc papillon avec des ailes, qui va pondre des œufs sur une plante. Il y a une parade nuptiale avant ça quand même. Alors oui, alors ça dépend à quel moment du cycle on commence. Si on commence sur les prémices, effectivement, elle va s'accoupler avec un mâle, et ensuite elle va se mettre à pondre des œufs sur une plante. Alors selon, comme je vous le disais tout à l'heure, selon l'espèce de papillon, elle va pondre sur différents types de plantes ses œufs, et ensuite on va avoir une petite chenille qui va sortir de l'œuf. Il y a plusieurs stades chenilles qui vont se succéder jusqu'à arriver à une chenille plus grande qui va se pendre la tête en bas, par exemple typiquement sous une feuille, et qui va rentrer en chrysalide. Alors là, comment elle compose la chrysalide ? De quoi ça se constitue, cette enveloppe dans laquelle va s'enfermer la... Alors ça, c'est aussi très variable entre espèces. Donc il y a des espèces qui font effectivement des cocons. Il y a des chrysalides qui ont des formes, au contraire, qui ressemblent presque à des feuilles mortes, qui sont très marrons. Il y a des chrysalides qui ont même des formes de miroirs, qui réfléchissent la lumière. C'est le cas des papillons itomines qu'étudie une de nos collègues. Au bout de quelques jours, alors ça par exemple, c'est aussi très variable entre espèces, le nombre de jours qui va rester, où le papillon va rester sous la forme chrysalide. Et puis il va y avoir une émergence, donc la chrysalide va se casser. Qu'est-ce qui se passe dans la chrysalide ? Là, il y a, parce qu'on passe quand même d'une chenille à un papillon, voilà, les deux mis face à face. Il y a un grand nombre de transformations morphologiques, puisqu'on passe d'une chenille qui a des yeux très petits, qui n'a pas forcément la même forme de corps que le papillon adulte, qui n'a pas d'ailes. Enfin, qui n'a pas d'ailes développées. Elle a des embryons d'ailes, en fait, la chenille sous son enveloppe. Mais effectivement, lors de cette mise en cocon ou en chrysalide, il y a un grand nombre de changements morphologiques qui s'opèrent. Parce qu'une fois que la chrysalide s'ouvre, on découvre un papillon adulte avec une morphologie qui est différente. Les yeux n'ont pas la même forme, le corps n'a pas la même forme. Et on a ces paires d'ailes qui se déplient très rapidement, et une capacité à voler que n'avait pas du tout la chenille. Mathieu Geron, Perron, on évoquait tout à l'heure, enfin je parlais tout à l'heure de la parade nuptiale. Alors là, on revient à cet instant un peu des prémices, mais il y a quelque chose qui m'intéressait beaucoup dans cette parade nuptiale, c'est que chez certains papillons, il y a une émission de phéromones qui peuvent être perçues par certains papillons, par les mâles notamment, à plusieurs kilomètres. Comment ça se passe là, d'un point de vue hormonal aussi, cette communication phéromonale chez les papillons? Et ça aussi, je crois que c'est quelque chose qui est plutôt très étudié. Alors c'est quelque chose qui est très étudié, parce qu'une grande partie des ravageurs des cultures sont des papillons. Et la plupart des ravageurs des cultures sont des papillons de nuit, puisque la plupart des papillons sont des papillons de nuit. Alors les papillons de nuit, pour se trouver entre eux, pour se trouver entre mâles et femelles, ils utilisent justement des signaux chimiques, le plus souvent émis par la femelle, et perçus, parfois à très longue distance, par les mâles, donc qui réussissent à localiser la femelle en remontant, entre guillemets, une forme de gradient qui n'est pas forcément... La bonne image, mais bon, enfin, en tout cas, ils réussissent à trouver la femelle de cette manière-là. Donc, évidemment, pour lutter contre certains de ces ravageurs, beaucoup d'études ont été menées pour essayer de découvrir quels sont ces composés très volatiles, extrêmement volatiles. Alors ensuite, il y a tous les papillons de jour. La plupart des papillons de jour sont extrêmement visuels comme insectes, c'est-à-dire qu'ils se fient beaucoup moins sur les signaux chimiques pour repérer leur partenaire sexuel. Mmh. Et donc, on en parlait tout à l'heure, les mâles repèrent les femelles visuellement. Mmh. Les femelles, dans certains cas, acceptent des mâles en fonction de leur couleur. Les mâles aussi repèrent leurs éventuels rivaux avec leur couleur aussi, donc c'est très visuel tout ça, et c'est seulement à courte distance qu'on peut avoir la communication chimique. Mm-hmm. Et donc effectivement les papillons de jour aussi utilisent une communication chimique avec des molécules probablement moins volatiles, mm-hmm. et qui sont émises lors de la parade souvent par le mâle autour de la femelle. Oui, c'est une parade qui passe énormément par le vol chez ces papillons diurnes. Si on en revient à cette grande capacité de métamorphose que vous nous décriviez, Violaine Lyorens, d'un point de vue évolutif, quel avantage ça confère, cet aspect de métamorphose? Je crois que c'est une question vraiment épineuse et débattue chez vous, les spécialistes des papillons et des lépidoptères. Alors, effectivement, chez tous les lépidoptères, on observe ce cycle de vie en deux grandes parties, où on a cette phase chenille où on a des individus qui mangent énormément de feuilles, donc d'où les ravages sur les cultures. Et puis les formes adultes, dont certains, bon, par exemple chez certains papillons de nuit, il y a des formes adultes qui ne se nourrissent pas, et où il va y avoir plutôt une activité centrée sur la recherche de partenaires, l'accouplement, et ensuite pour les femelles, la ponte des œufs. Donc on a cette différence entre cette phase larvaire chenille et cette phase adulte. Mais on ne connaît pas très bien la raison de ce succès évolutif. En fait, c'est quelque chose qu'on observe chez d'autres insectes. Vous connaissez peut-être les libellules, vous connaissez peut-être les moustiques, où les larves sont aquatiques, et puis on a des adultes pareils, ailés. Donc il y a un grand nombre d'espèces, on retrouve ce type de cycle de vie. Mais la raison vraiment évolutive, la force de sélection qui au départ a favorisé ce type de mode de vie, on la connaît pas très bien. Et c'est aussi parce que, par exemple, on a vraiment ce mode de vie qui est fixé dans un groupe. On n'a pas beaucoup de variations de ce mode de vie à une échelle fine. Et donc, comme nous, on ne voit que le résultat de millions d'années d'évolution, c'est difficile de rembobiner le film et puis de trouver au départ quel était l'avantage évolutif qui a permis l'émergence de ce mode de vie. Mathieu Joron, sur cette question. On peut dire que ce mode de vie a rencontré un grand succès, puisque les groupes d'insectes qu'on appelle holométaboles, c'est-à-dire qui ont cette mode de vie, capacité de métamorphose complète, voilà, ouais. Avec une larve, une pupe ou une chrysalide, et ensuite un adulte, le plus souvent ailé et volant, c'est un mode de vie qui représente presque l'essentiel en nombre d'espèces des insectes. Violaine Lyorens, vous parliez de ces papillons nocturnes qui ne se nourrissent pas. Comment est-ce qu'ils survivent du coup Alors est-ce que ça signifie qu'ils se reproduisent puis ils meurent assez rapidement? Et ça m'amène à la question de l'espérance de vie des papillons. Je crois que c'est très varié selon les espèces. Alors quelle est la moyenne et puis quels sont les extrêmes, on va dire, du plus faible au plus long? Alors, je ne saurais pas vous donner une idée précise de la distribution de la durée de vie. Ce que je sais, c'est que c'est variable. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont l'idée que ça vit très très peu longtemps un papillon. En fait, c'est assez variable. Il y a des papillons qui peuvent vivre plusieurs mois dans la nature. Hein. Nous, on a fait des manips, par exemple, sur les papillons morpho, où on les a marqués. C'est-à-dire qu'on a marqué un numéro sur leurs ailes, on les a relâchés et on a pu rattraper le même individu avec le petit numéro deux mois et demi plus tard. Donc même dans la nature, ils peuvent vivre relativement longtemps. Alors là, on est, les morphos, c'est des papillons qui vivent en Amazonie, donc dans des climats tropicaux. Ça peut être aussi assez différent selon en climat tempéré, par exemple. Tout à l'heure, vous parliez de la diapause qui va conditionner en fait aussi le cycle de vie de différentes espèces de papillons. Ça tombe bien que vous parliez des papillons. Ah, Mathieu Giron, pardon. Je voulais mentionner que, en fait, ce cycle de vie, il est lui-même soumis à des pressions de sélection. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui évolue. Le fait qu'il y ait de la diversité, comme le disait Violaine, indique qu'il y a potentiellement de la sélection là-dessus. Mmh. Et qu'il faut voir que la durée de la vie adulte d'un papillon va dépendre du succès reproducteur et de l'avantage qu'il y aurait à vivre plus longtemps. Donc, les papillons qui naissent avec tous leurs œufs et toutes leurs ressources accumulées pendant la chenille, enfin, pendant le stade chenille, ils peuvent pondre leurs œufs très vite et n'ont pas forcément un avantage énorme à vivre plus longtemps. D'autres papillons, comme certains papillons tropicaux, comme les Heliconius, qui ont une source de nutriments protéinés à l'état adulte, vivent en fait très longtemps à l'état adulte, puisqu'ils synthétisent les ressources pour leurs œufs au fur et à mesure de leur vie adulte. Et donc, ils ont un intérêt particulier à vivre plus longtemps. Donc, ça veut dire que vivre plus longtemps est un caractère qui pourrait être sélectionné chez ceux-là. Voilà pour cet aspect passionnant d'évolution. Restez avec nous parce qu'on va poursuivre dans un instant cette discussion autour des papillons. Ce sera juste après la musique. Butterfly Mornings par la papillonesque Hope Sandoval dans La Méthode Scientifique sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure de papillons avec Violaine Llorens, directrice de recherche CNRS, biologiste de l'évolution à l'Institut de Systématique Évolution et Biodiversité. Nous sommes également en compagnie de Mathieu Giron, biologiste de l'évolution, chercheur CNRS au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de l'Université de Montpellier. Alors Violaine Llorens, un petit insert où on parlait pendant la musique d'une autre façon de distinguer papillon de nuit, papillon de jour. Ce sont les antennes. Dites-nous tout. Non, je voulais juste rajouter que oui, chez beaucoup d'espèces de papillons de nuit, on retrouve ces antennes plumeuses qui ressemblent un peu à des tout petits peignes qu'on ne retrouve pas chez les papillons de jour. Et notamment, donc Mathieu parlait tout à l'heure de la communication phéromonale. Et en fait, ces antennes plumeuses des papillons de nuit sont bourrées de récepteurs aux phéromones. Et voilà, c'est une différence aussi majeure entre ces deux modes de vie nocturne et diurne. Hein. La nuit, on n'y voit rien. Donc, il y a une sélection positive sur des mécanismes de communication basés sur les odeurs qu'on a beaucoup moins chez les papillons de jour. Parfaite précision. Bon, on a parlé de l'immense diversité des papillons tout à l'heure. Alors, pour montrer quelques exemples de cette grande diversité que représente les lépidoptères, nous en venons au reportage du jour. Alexandra Delbo, vous vous êtes rendue pour l'occasion au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. Bonjour Alexandra. Bonjour Antoine. Oui, le muséum abrite une collection exceptionnelle de plus de 3 millions de spécimens. Elle représente réellement la moelle épinière du muséum, car elle permet d'abord la conservation de cette diversité sur le long cours. Aussi, elle est un point central des activités de recherche. Et pour finir, cette collection sert de socle à la diffusion de savoir auprès du grand public lors d'expositions. J'ai donc rencontré Vincent Debat, chercheur à l'Institut de Systématique Évolution Biodiversité du muséum. Il nous présente quelques spécimens de cette très riche collection qui illustre différentes stratégies d'évitement de prédateurs et partage aussi avec nous un de ses souvenirs de jeune entomologiste amateur. Voilà, donc là on rentre dans la collection de papillons du muséum. On a une collection qui est très ancienne, mais qui est extrêmement riche, qui a été enrichie notamment par les dons des legs, disons, de collections privées. Ici, on est dans la salle de la collection Fournier. C'est une collection qui est classée monument historique, qui est extrêmement riche, avec des papillons vraiment magnifiques. Ensuite, on va passer à la collection générale. Donc là, je peux vous montrer ceux-là. Donc ça, c'est un des morphos les plus communs, c'est morpho Menelaos. Et donc c'est un morpho typique avec cette face bleue iridescente sur le dos. Et celui-là, c'est pas une autre espèce, c'est pas les femelles, c'est un spécimen qu'on a monté pour exposer la face ventrale. Du coup marron avec des taches en circulaire qui ressemblent un peu à des yeux. Et en anglais, on les appelle des eye spots, donc des taches d'yeux. Et donc, si vous voyez ce contraste extrême entre ces deux faces, quand le papillon est en vol, au cours du vol battu, il expose successivement cette face bleue et cette face marron, ce qui les fait clignoter et qui, on pense, les contribue à les rendre difficiles à attraper. Et on voit que les ailes sont ouvertes, planes et qui sont piquées. Comment est-ce qu'on prépare des spécimens du moment où on les collecte jusqu'à cette collection-là? Alors bon, d'abord, faut les attraper donc sur le terrain. Donc c'est l'aspect un peu marrant, un peu sportif où on cavale après avec notre filet. Donc ensuite, on les tue. Alors bon, il y a différentes techniques. Pendant très longtemps, c'était avec des boîtes à cyanure, avec des pastilles de cyanure prises dans du plâtre. Et bon, ça les tue très vite. Ensuite, on les met dans ce qu'on appelle des papillotes, en fait des petites enveloppes de papier glacé qui permettent de les positionner de façon à ce qu'ils s'abîment pas, qu'ils cassent pas les ailes. Ça, c'est qu'on est sur le terrain. Donc ensuite, on les ramène au labo ici. Donc pour les préparer dans cette position standardisée, il faut vraiment les réhumidifier. On met ces spécimens secs dans une sorte de Tupperware avec un coton imbibé d'eau. On les laisse plusieurs jours et ça marche très bien, ça se réhumidifie. Donc les ailes se ramollissent, quoi. Et donc on peut procéder à ce qu'on appelle l'étalage, c'est-à-dire que on pique le corps du papillon sur une épingle entomologique comme ça. Ensuite, on pique le papillon dans une sorte de rainure avec deux aplats des deux côtés qui permettent donc d'étaler les ailes qu'on recouvre ensuite avec des bandes de papier glace maintenues par des aiguilles. On les laisse sécher en étuve généralement, donc le temps qu'il faut pour qu'ils ressèchent et ils soient bien, bien durcis. Et ensuite, ils sont prêts à être mis en collection avec la précision fondamentale qu'il faut rajouter une étiquette consigne un certain nombre d'informations et en particulier le lieu, la date de capture. Ce qui est important, c'est ensuite de les conserver à l'abri de la lumière. Alors, à l'abri de la lumière, pourquoi ? Parce que les pigments qui donnent aux ailes de papillon leur couleur sont photosensibles, c'est-à-dire que c'est des protéines qui vont se dégrader avec sous l'effet de la lumière. D'où l'importance d'avoir des armoires comme on a ici qui permettent de les maintenir dans l'obscurité absolue. bassin, voilà, si vous voulez. Donc ça, c'est un genre de papillon nymphalidé. C'est dans une autre famille de papillons de jour. Et c'est des papillons qui sont caractérisés par un vol hyper rapide. C'est très, très difficile à attraper en vol. Quand j'étais petit, je l'avais vu dans des bouquins. Je l'avais vu en Corse voler, mais impossible à attraper. Et j'ai lu dans un de mes bouquins qu'on pouvait les attraper avec des appâts, avec des fruits trop mûrs. Donc j'ai fait l'expérience, j'ai acheté un cageot de pêche que j'ai placé au soleil un peu à l'écart de la plage. Je suis revenu le lendemain et il y avait 10 Caraxias jasus dessus, et donc c'était un truc absolument incroyable. Et une fois qu'ils sont posés, ils sont faciles à attraper. Et donc ça, c'est un souvenir d'entomologie très marquant pour moi. Donc je peux vous montrer certaines boîtes. Alors celui-là, je l'aime beaucoup. C'est le groupe, c'est un des groupes sur lequel je travaille en ce moment. Donc on a fait l'inventaire l'année dernière de cette collection. Enfin, mon étudiante en thèse, Ariane Chotard. C'est Graphium androcles. C'est un grand papillon noir et blanc rayé avec des longues queues sur les ailes postérieures. Et alors ça, c'est un exemple intéressant de la valorisation scientifique qu'on peut faire de ces collections, puisque une des questions de recherche qui nous occupe en ce moment, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a de très nombreux papillons qui présentent cette forme particulière des ailes postérieures avec des grandes queues. Et donc une des hypothèses de travail qu'on a, c'est que les queues pourraient avoir un effet déflecteur d'attaque des prédateurs. Et donc, au lieu d'attaquer les parties vitales du papillon et donc le tuer, il va attaquer plutôt sur ces parties-là qui vont se casser et qui vont permettre au papillon de s'échapper. Donc, alors ça, c'est quelque chose qu'on a testé expérimentalement avec des manips sur une espèce de papillon français. Mais c'est quelque chose qu'on étudie aussi sur les collections en étudiant la diversité des formes d'ailes à une échelle évolutive très large. Et donc, il y a toujours ce processus d'aller-retour entre les collections qui nous donne un matériel vraiment unique d'échantillonnage de la diversité, et ensuite le travail de terrain pour lequel on doit là se cantonner généralement à quelques espèces qui sont plus faciles à étudier. Voilà pour ce reportage dans les collections du Muséum National d'Histoire Naturelle. Une réaction à ce que vous venez d'entendre et à cette valorisation des collections, Mathieu Joron? J'ai envie de dire que oui, ça montre un peu toute la diversité qu'il y a. Alors évidemment, cette diversité, elle dépend de ce que récoltent et ont récolté les collectionneurs et comment les collections sont alimentées. Donc une question qu'on se pose, c'est dans quelle mesure ces collections, c'est pas une question qu'on se pose, mais comme le dit Vincent, il faut utiliser ces collections en fait, quelque sorte, qui représentent un potentiel énorme de documentation et de recherche, notamment en ce qui nous concerne. On travaille beaucoup sur les motifs de coloration des papillons, donc évidemment c'est souvent pour ça que les papillons sont aimés et donc récoltés, mais il y a aussi tout un tas d'autres questions qui seraient intéressantes d'explorer. Yolaine Durens, on entendait Vincent Debat parler dans le début du reportage de papillons morpho. Alors vous avez publié récemment avec Vincent Debat une étude sur ces mêmes papillons bleus magnifiques, très emblématiques des lépidoptères. Quelle conclusion vous avez tirée de cette étude qui va nous amener à parler du vol? Parce que là aussi c'est très intéressant d'étudier le vol et la question de l'adaptation chez les papillons autour du vol. Alors, on a travaillé effectivement chez les papillons du genre morpho parce qu'ils sont jolis, qu'ils ont ces belles couleurs bleues, mais aussi parce que on a une trentaine d'espèces dans ce genre, avec des espèces qu'on va retrouver plutôt volant dans la canopée et des espèces volant plutôt dans le sous-bois. Et ce qu'on a étudié, c'est les performances de vol de ces différentes espèces, avec une approche donc dans la nature et aussi en cage, donc en conditions plus contrôlées. Donc on a comparé les performances de vol de ces différents individus. Et ce qu'on a trouvé, c'est que les papillons des espèces de canopée ont de meilleures performances de vol plané. Et ont d'ailleurs ce comportement de vol plané, ils ont une fréquence de battement des ailes qui est beaucoup plus faible que les papillons d'espèces de sous-bois, qui, elles, ont des fréquences de battements plus rapides, mais qui ont des moins bonnes performances de vol plané. Donc, en fait, l'idée, c'est d'étudier comment la spécialisation dans un micro-habitat, hein, la canopée versus le sous-bois, au sein d'une même forêt amazonienne, peut favoriser des formes d'ailes différentes entre ces différentes espèces. Mmh. Il y a une évolution verticale que vous étudiez par le prisme de ces papillons morpho. Je crois que vous étudiez chez les papillons morpho aussi le gène cortex dont on parlait tout à l'heure, qui a conféré à la phalène du bouleau cette capacité de changer de motif et de changer de couleur d'une certaine façon. Qu'est-ce que vous étudiez chez les morpho autour du gène cortex? Alors, sur les morpho, on n'a pas encore d'idée de quels gènes sont impliqués dans les variations de motifs. Par contre, on l'a étudié effectivement chez d'autres papillons tropicaux, les papillons du genre Heliconus, donc notamment dans une étude à laquelle on avait participé avec Mathieu il y a déjà quelques années, et où on a trouvé effectivement l'implication de ce même gène cortex qui avait été identifié comme étant important sur les variations de coloration chez la phalène du bouleau, qui est un papillon de nuit, donc très éloigné d'un point de vue évolutif. Et on retrouve l'implication de ce même gène cortex sur des variations de motifs qui sont très différentes, mais avec aussi une implication des voies de la mélanisation. Donc ça, c'est intéressant d'un point de vue évolutif, c'est-à-dire que on a des pressions évolutives qui sont des pressions de sélection qui sont différentes dans des groupes qui sont très différents, mais on voit l'implication du même gène. C'est-à-dire que, alors c'est l'idée de la boîte à outils, c'est qu'il y a un nombre limité de gènes dans le génome de nos papillons. Quand il y a une mutation qui affecte ces gènes-là, vont jouer sur le motif de coloration. Il va montrer cette plasticité dans les motifs. Mathieu Joron, on parlait du vol des morphos. Parlons maintenant au sens plus large de la capacité de déplacement de certains papillons qui sont capables de parcourir des milliers de kilomètres, de faire de grandes migrations comme les papillons monarques. Alors, comment un être aussi fragile qu'un papillon peut parcourir autant de kilomètres et arriver à bonne destination? Alors les monarques, donc c'est ce papillon américain, enfin en tout cas il est, je pense que celui dont on parle est américain, il fait des grandes migrations, il est connu pour ça. En fait, c'est un papillon qui réenvahit toute l'aire géographique de l'Amérique du Nord tous les ans, en plusieurs générations. Donc les papillons du printemps font quelques centaines de kilomètres, pondent. Chenilles, chrysalides, et ce sont leurs descendants qui continuent la migration. C'est des vrais Américains, en fait, ils vont vers l'Ouest. C'est un front de migration en trois générations. Mm-hmm. Et la troisième génération, qui est celle qu'on trouve en fin d'été, se rend compte qu'on est en fin d'été, et elle forme des descendants qui ont une morphologie très différente, avec des ailes plus allongées, un métabolisme énergétique bien plus efficace et également un tropisme vers le sud très marqué. Et c'est cette génération-là qui fait la migration-retour d'un seul coup, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ils ne le font qu'en une génération. C'est-à-dire que les descendants de la troisième génération de non-migrants deviennent migrantes et retournent vers le sud avec un tropisme qui est déterminé génétiquement. Ils se servent à la fois du magnétisme, mais également de la lumière solaire lunaire. Ils ont un compas solaire, cérébral, qui leur permet de se repérer par rapport au soleil. Est-ce que cette attirance vers le soleil, ça explique, Violaine Jurens, cette attirance qu'ont les papillons de nuit pour les lampadaires, pour les lampes électriques, et pourquoi? Ça, c'est vraiment une question d'enfant. Pourquoi est-ce que les papillons de nuit s'échinent à aller vers des lumières électriques? Alors, ils ont un système visuel, en général, qui est moins sensible à la lumière que les papillons de jour. Et effectivement, quand il y a des lumières très fortes, du coup, ça fait un tropisme qui va être très fort. D'autant plus qu'ils ont une sensibilité à la lumière. Ils sont capables de comment dire, sur certains d'entre eux, ils ont une très forte sensibilité à des faibles luminosités. La lumière des étoiles, par exemple. Voilà. Ou ils peuvent repérer quand même des formes avec juste l'éclairage de la lune, par exemple. Et donc, on peut imaginer que du coup, ça augmente leur tropisme vers des éclairages forts, tels que les éclairages humains. Ils sont aimantés par ces lumières électriques. Mathieu Joron, vous évoquiez en première partie aussi l'aspect nuisible de certaines espèces de papillons pour les cultures humaines. Si on se concentre sur l'aspect un peu positif, ils ont un rôle écologique important, les papillons, notamment de pollinisateurs, je crois. Alors ça, est-ce que parmi les insectes pollinisateurs, les papillons sont des artisans intenses ou plutôt secondaires ? Alors je pense que les artisans les plus intenses pour la pollinisation, ce sont toutes les abeilles et les hyménoptères. Et également beaucoup de diptères. Bon, après, voilà, on va pas faire le, le palmarès. Les papillons sont, dans certains cas, pollinisateurs. Et d'ailleurs, certaines plantes dépendent étroitement de certains papillons pour les polliniser. Violaine évoquait tout à l'heure ceux dont la trompe correspond exactement à la longueur de la corolle de certaines fleurs. Donc, ceux-là sont complètement dépendant de la présence de leurs pollinisateurs papillons. Dans l'ensemble, les papillons sont des pollinisateurs assez opportunistes, je dirais, parce que en fait, justement, ils ont cette trompe qui leur permet d'aller puiser dans le nectar dans la corolle des fleurs, sans forcément aller vers la bonne espèce. Et surtout, un peu à distance, en quelque sorte. Violaine Jurens, sur cette fonction, ce rôle écologique des papillons, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on passe à la suite ? Ils sont comme pas mal d'espèces. En fait, ils s'inscrivent dans une communauté d'espèces. On a parlé tout à l'heure des relations avec les plantes hôtes, la spécialisation. Et puis, il y a des relations avec les prédateurs, etc. Donc, l'évolution des papillons, elle n'est pas du tout indépendante des autres espèces qui les entourent. Et leur niche écologique, elle va dépendre des relations qu'ils ont avec les autres espèces de papillons, de compétition par exemple, mais aussi avec leurs prédateurs et leurs plantes. D'un point de vue des menaces, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, quelles sont les principales menaces identifiées ? On imagine que c'est la perte d'habitat, les pesticides, les engrais, etc. Ça, c'est... Oui, alors il y a des menaces directes, effectivement, parce que les traitements qui sont faits sur les cultures, ils ont avisé pour détruire les chenilles. Oui, donc c'est directement l'ennemi visé. Et donc, du coup, par effet de ricochet, des espèces qui sont en bordure de champs peuvent souffrir de l'impact de ces pesticides. Après, effectivement, la perte d'habitat est quelque chose de très important également, dans la mesure où ils sont très dépendants de la plante hôte à l'état de la chenille. On a dit que les chenilles, c'était des machines à manger. Et donc, s'il y a moins d'habitat, il y a moins de plantes. Et du coup, ça va avoir un impact très fort sur les abondances de population. Mathieu Geron, avec le changement climatique, est-ce qu'on repère aussi des changements de zone de répartition de certaines espèces ? Est-ce que certaines espèces du sud vont migrer vers le nord ou bah... Alors, on n'appellerait pas ça de la migration, mais plutôt une sorte de déplacement de l'aire de répartition. Donc, ils sont effectivement, les papillons sont un des groupes dans lesquels ça se remarque le plus clairement. C'est-à-dire qu'on a un déplacement graduel vers le nord de leur aire de répartition. C'est-à-dire que les limites nord vont un peu plus au nord. Les limites sud vont aussi un peu plus au nord. Je voulais aussi rajouter que... Donc Violaine parlait de la perte d'habitat. En fait, paradoxalement, une grosse menace, c'est la fermeture de l'habitat dans certaines régions. Donc évidemment, les menaces sur les papillons dépendent de la région, mais par exemple en zone méditerranéenne, la fermeture de l'habitat, l'augmentation de la forêt par rapport aux zones ouvertes est une vraie menace pour les papillons de ces régions. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux. On aurait pu faire une heure de plus. Violaine Jurens, Mathieu Geron, je vous remercie de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure pour parler de papillons. Un grand merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Natacha Triou, Céline Lozen, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Amel Boucherka, Mariam Ibrahim, Tom Jönstock, Alexandra Delbo, Nicolas Martin, Olivier Bétard à la réalisation, à la technique aujourd'hui Grégory Wallon. La Méthode Scientifique, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Et ça, c'est à l'infini.